Amis du monde, de l'éther, et d'ailleurs, c'est bien cargo culte. C'est bien cargo culte. Oui, c'est bien Cargo Culte. Et dans les terres, ben oui, écoutez cette réverbe. Waouh, c'est magique. Hein. On quitte Paris, on est dans la campagne du Berry, dans un formidable atelier où tout est beau, tout résonne, et où en arrière-plan, il faudra prêter l'oreille, quelques petits oiseaux chantent dans le jardin. Alors, décor idyllique et qui n'a absolument rien à voir avec le sujet du jour auquel je vous confie. Cargo Culte, un album, une écoute, une longue explication. Et là, c'est autour d'un disque formidable et vraiment culte pour le peu. Le tout premier album de Ryu. Ryu Tomita. On disait simplement Ryu. Et Ryu Tomita, ben, ma foi, ça ne vous échappera pas. C'est bien un japonais. Un de ces japonais qui, en un seul disque, va, ou en tout cas aurait dû, marquer la techno, et spécialement une techno hyper rigoriste, minimaliste. Et de fait, ce jeune homme, parce qu'on va parler là d'un disque, oui, pourquoi là, il mérite doublement le titre de culte, c'est qu'en fait, il a raté la marche. Et ça ne s'explique pas. Ça s'explique difficilement parce que, autant dire qu'on là, on va réhabiliter un disque. Alors, le jeu de Cargo Culte, je tiens à vous rassurer, ça n'a jamais consisté à chercher le disque le plus obscur du monde, quand bien même on était rarement dans. Voilà, on ne chroniquera jamais le Sgt Pepper des Beatles, par exemple, ici, quoi. Et ça ne veut pas dire que ce ne soit pas un bon disque, c'est juste que. À quoi bon ? Voilà, c'est fait, quoi. Mais au jeu comme ça de l'underground et dit vas-y que moi j'ai un disque que tu connais pas, évidemment c'est très facile dans ce cas-là d'aller jusqu'au bout du bout et puis sortir des pépites, mais vraiment inconnues de tous. Et là, on est sur quelque chose qui est plutôt inconnu et en même temps fait vibrer durablement les gens qui ont approché ce disque-là. Donc c'est une vraie mythologie. Ryu Tomita et l'album Exhibition of the Samples, l'exhibition des samples. Rien que ce titre, il est absolument génial, quoi. J'ai rarement vu plus beau titre techno, quoi. C'est une profession de foi, c'est un slogan à lui tout seul. C'est un album qui paraît en 1995 et qui paraît alors non pas sur un label japonais, mais qui paraît en Belgique, figurez-vous, sur le label KK Records. Et KK, c'est un label qui a déjà une histoire, en fait, et qui a marqué assez bien hein, les années 80 dans ses humeurs indus, post-indus. Et vous savez, cet indus qui allait sur la danse et qui, finalement, a très, très bien préparé le Benelux à la techno qu'elle allait suivre dans les années 90. Bien plus que la France stricto sensu. Ça n'est même pas approuvé, oserais-je dire. Cela dit, ça mérite d'être répété. Donc, du coup, terre d'adoption d'autant plus facile pour ce Japonais venu de nulle part. Ryu Tomita. Alors vous savez, contrairement à l'adage de cette émission qui dit un album, une écoute, une longue explication, avec moult histoires, voire anecdotes derrière la fabrication d'un album, ben croyez-moi qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous donner beaucoup d'informations. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y en a pas. Et trouver des strictes informations sur Ryu Tomita, c'est en fait super dur. Le contexte qui a permis l'émergence de cet okatu japonais est très très différent de ses comparses, finalement mérite d'être un peu mis en lumière. Et tant mieux parce que ça nous permet de se replonger dans cette techno pile mid-90s, donc 1995, on ne peut pas faire plus au milieu, et où bien sûr l'Europe frissonne, en tout cas commence à frissonner sur des producteurs, sur des DJ techno. Alors, un soir comme ça, un peu à l'appel, mais pour les connus, alors Ken Ishii, Kenichi, c'est la star, hein, la star. Il se trouve qu'un deal avec, avec Sony, et puis notamment l'emploi d'une de ses musiques dans un jeu vidéo de Sony, absolument hype à l'époque, avait propulsé finalement Kenichi aussi sûrement qu'un vidéoclip de super qualité sur des grands réseaux. Overground, quoi. Donc Kenichi, comme ça, un petit peu du jour au lendemain, marque la scène. On parle aussi beaucoup de Takio Ishino. C'est un parrain, lui, si vous voulez, et une vraie gloire locale. Mais pour le peu qui restera assez local, qui touchera l'Allemagne, qui participera à la Love Parade, à des événements de cette ampleur-là. Qui d'autre peut venir en tête? Tiens, Fumiya Tanaka, c'est quelqu'un de très intéressant. Le Jeff Mills japonais, disait-on. Puis évidemment, comment ne pas évoquer Susumu Yokota, alors lui qui était ultra prolifique hein, et assez multifacette avant de se cantonner dans les années 2000 et au-delà dans une stricte ambiante, parfois assez ésotérique et quasi expérimentale. Susumu Yokota était de fait aussi un des piliers du label Sublime Records. C'était un nom un peu arrogant quand même, Sublime Record. Mais enfin, l'essentiel des artistes japonais intéressants passait là. Avec un vrai amour, voire une référence et une révérence absolument énorme et outrancière envers la stricte techno de Détroit. Et évidemment, hein, l'influence de Détroit sur les scènes techno mondiales, ça, elle est pas approuvée. Et en 95, le truc s'est ensemencé un peu à tout va. Les gars de Sublime Recordings, au kilo inouï, ils vont faire presser leurs disques à Détroit, chez le même graveur, chez le même presseur que tous les disques qui sortent du giron de Détroit et qui sont distribués par Underground Resistance, notamment, ou d'autres, enfin par toute cette palanquée là. Donc c'est un peu culotté, mais en même temps, forcément, c'est un bel hommage. Au milieu de tout ça, le secret le mieux gardé d'une techno qui n'a pas de nom, parce que finalement, je viens d'énumérer des genres et puis des figures tutélaires japonaises qui tournent un petit peu autour du truc. Je peux plus ajouter DJ Crush, hein, qui a eu les honneurs des colonnes de Cargo Cult, évidemment, mais là, on est dans une frange hip-hop qui va expérimenter et créer un petit peu les fondations du trip-hop. Ok. Mais qu'est-ce qu'il en est donc de ce Ryu Tomita. 21 ans, un gamin. Un gamin qui va lâcher à 21 ans le disque que vous allez entendre. Le paradoxe, mais c'est ce qui fait que ce disque est génial, c'est que justement, il n'est pas japonais. C'est même impossible de le rattacher à une des figures que je viens de nommer là. Alors à quoi bon, me direz-vous ? Impossible de le rattacher à ces figures et en même temps forcément une filiation, qu'elle soit consciente ou pas, avec les deux héritages quand même évidents de la musique japonaise. C'est un, la musique de synthèse, la musique synthétique, alors celle de Yellow Magic Orchestra, soit ensemble, soit séparément, mais qui est évidemment hein, marquée toute musique électronique de l'époque. Et là, on est dans les années 80. Et n'oublions pas que le Japon, spécialement Tokyo, mais pas que, c'est l'empire de la noise. Donc le bruit dans son sens radical, on parle pas de harsh noise, mais attention, le truc est dans l'air, et quand c'est lâché, c'est lâché bruyamment, excusez-moi du pléonasme, mais c'est bien évident. Le bambin Ryu, parce que j'insiste sur ses 21 ans, va signer un disque de techno totalement mutique, archi-geek, avec des sonorités complètement incroyables, et dont finalement, je ne suis pas sûr que la filiation soit strictement donc, chez ses collègues nippons, mais peut-être bien davantage sur ce son ultra-minimaliste tel que fait par les Finlandais de Panasonic. On les évoquait il y a peu, et à mon avis, il y a des correspondances assez évidentes entre Ryu et Mika Vegno. Alors Mika Vegno et sa bande, mais si on doit aussi chercher des chantres comme ça, d'une techno super minimaliste entre le dance floor et l'expérimentation, alors allons chercher chez les Allemands de Basic Channel, allons chercher chez Plastic Man évidemment à Détroit et autour de Détroit, allons évidemment faire un clin d'œil appuyé à Robert Hood, avec ou sans Underground Resistance. Tous ces gens-là, ils ont de la bouteille, en fait. J'ai envie de dire, ils savent ce qu'ils font. Ryu n'en a pas. C'est un post-ado qui est passé du heavy metal qu'il écoutait à 17 ans à l'acid house, puis cette techno ultra minimaliste qu'on va découvrir avec son premier album en l'espace d'une poignée de mois. Et il le fait avec un brio renversant. Mais vraiment renversant. Le son de ce disque est à tout point époustouflant. Il est époustouflant parce que justement il bouscule un petit peu les adages un peu préconçus de la techno, et ça qu'elle soit minimale ou hardcore. La techno, comme toute musique finalement forte et qui s'écoute puissamment et en dansant, c'est une musique très directive, très dirigée, au sens quasi monophonique du terme. Ça va droit devant. Les basses, c'est pas fait pour se balader à droite et à gauche. Hein, les fréquences, c'est un truc qui est plus rigoureux qu'on ne croit. Donc dans toute techno, qu'elle soit très élaborée ou pas, on met les basses bien devant, bien droite, on sauve quelques fioritures avec les aigus à droite et à gauche, et ma foi, ça suffit à faire des choses formidables. Vous allez voir que Ryu fait péter le bouchon. Il fait péter le bouchon en jouant d'une stéréophonie totale, quitte à frôler le hors-phase. Ça se voit particulièrement sur des morceaux qui, justement, vont convoquer, là encore, j'hésite à dire si c'est de manière volontaire ou pas, des références industrielles. Le morceau Tube, alors Tube, avec 40 parenthèses entre le mot, évidemment, qui s'appelle Ono Reno, singe, en fait, le cheminement d'un train. Et d'un chemin de fer, avec justement ce synthé qui reproduit comme ça, de façon quasi mimétique, un chemin de fer à vapeur, quoi. C'est l'étude au chemin de fer de Pierre Schaeffer, mais vu par un gamin de 21 ans qui vient d'Osaka. Est-ce que le gamin a été initié à la musique concrète et à l'étude des chemins de fer de Pierre Schaeffer? Peut-être. Peut-être pas. On peut juste se poser la question et puis forcément, ironiquement, faire un rapprochement. Le tube Ono Reno dont je vous parle plafonne à 2291 vues sur YouTube. J'ai vérifié juste avant de vous parler. Donc là, j'en ai peut-être ajouté une, chouette. Mais je répète, 2291 vues pour le tube de Ryu. Donc vous voyez que le truc a un peu quand même échappé à beaucoup, sachant que le morceau a été mis en ligne en 2010, donc ça fait quand même 12 ans. Alors pourquoi c'est un succès? C'est parce que c'est un faux insuccès. Ryu, il est venu en France, justement invité par le label, enfin une tournée européenne qui est passée par la France, c'était au-dessus de Paris, c'était à Saint-Ouen, c'était un peu après 1995. Le label KK Records, il s'associait avec un autre label de cru, Nova Zembla, dans mon souvenir. Donc deux labels, je répète, qui ont de l'histoire et qui ont déjà porté des artistes, si vous voulez. C'est pas des petits labels, ils ont déjà des trucs derrière eux, quoi. Et puis la confiance de pas mal de gens. Et ma foi, comme on s'attend pas à ce que le label signe un japonais, ça marche pas. Vous savez, la signature s'est faite toute bêtement. Hein. Ryu Tomita, il a envoyé une cassette au label, par la poste, comme on faisait à l'époque. Le label a fait « Oh, super, on prend, on signe !» Et voilà, bête comme chou. Hein. Mais bon, pas suffit. Alors d'où rétroactivement cette analyse qui vaudra ce qu'elle vaut, mais compte tenu de l'engouement qui va justement naître au milieu des années 90 sur cette techno naissante japonaise. Et donc justement vont émettre les stars que j'ai précitées tout à l'heure. Bah justement, personne n'a vu, ou très peu de gens, vu la curiosité de regarder sur des japonais expatriés. Et puis ma foi, on a l'œil sur Tokyo, mais on n'a pas l'œil sur Osaka. Alors qu'Osaka, bah, ma foi, c'est loin d'être un bled. Donc, il y a quelque chose comme ça qui est raté. Alors, qui est raté? Petite Madame de Proust, le magazine dans lequel j'étais très très heureux de travailler, Koda Magazine, au milieu des années 90, était entièrement fan de Ryu. Le disque, celui dont je vous parle, avait été chroniqué, tout comme les deux suivants qui vont sortir chez KK Records. Bon, Alors, évidemment, avec mon sens de l'archive, pas moyen même de retrouver les petits papiers et la chronique de disques qu'on avait fait à l'époque. Ah ouais, non, on n'était pas sérieux à l'époque, je vous le dis, moi. Et comme bien même aujourd'hui, la mémoire de tout se conserve sur le web, croyez-moi que sur le personnage Ryu Tomita, on trouve rien, ou presque. Alors bravo quand même à Jean-Noël Roust qui lui a publié sur son blog, alors c'est très très vieux comme ça, quelques petites impressions de rencontres qu'il avait eues avec Ryu Tomita, notamment quand il était passé donc à Saint-Ouen dans le cadre de cette tournée Kaka Record. Donc je ne date pas vraiment le truc, c'est plutôt, j'ai envie de dire 96, maximum 97. Et puis voilà, et ben, notez qu'en interview, le gars, il a en plus rien à dire. Mais juste rien à dire. Et le gars est mutique, le gars est timide, à l'évidence, il est timide. Très très peu enclin à parler anglais, encore moins français, évidemment. Et puis, bah oui, nous pauvres français, vous nous voyez, essayez de parler japonais. À moins d'être dûment lié au Japon par filiation ou par culture hardcore renforcée. Évidemment, ça a toujours été difficile d'interviewer des artistes japonais, d'ailleurs, hein, c'est quel qu'il soit. Mais alors là, évidemment, avec Ryu, peut-être plus encore. C'est bien hein, de parler d'un disque presque longuement, alors que, comme je vous le dis, j'ai très peu de choses à dire sur son auteur. On reviendra quand même sur quelques petites informations post-écoute de ce disque. Écoutez bien, c'est vraiment... Ce disque, à mon avis, peut figurer allègrement dans les 10 meilleurs albums techno jamais faits, réellement. Les 10 ou les 20, bon, il ne s'agit pas de faire une compétition, évidemment. Et notez que c'est un album, strictement un album. En 1995, la notion d'album techno, elle n'est pas si fréquente que ça. En 1995, la techno, c'est un truc de Maxi 45 Tours. Et ma foi, quand un album paraît, et pour reciter des trois, c'était spécialement leur cas, c'est une compilation des Maxi parus précédemment. Parfois un petit peu relookée, remixée et complétée, ça évidemment. Et ça donne des albums d'extrêmement bonne qualité. On l'a déjà prouvé ici. Mais voilà, une techno nippone extraterrestre, parce que finalement elle n'est pas plus nippone que ça, hein. Elle pourrait venir d'ailleurs, elle pourrait venir du Groenland s'il y avait moyen de brancher des TB-303 là-bas, ça fonctionnerait comme ça. Donc je reviens un petit peu sur le son, je cite la TB-303, ben oui évidemment elle est là, mais vous allez voir que tout est sublimé par un routing, par un mixage, car réellement de la gueule, outre cette image stéréo qui est vraiment très ouverte et ultra finement travaillée, faites très attention, écoutez-le sur un joli sound system, mettez-vous un beau casque sur la tête, ça en vaut vraiment le coup, vous verrez qu'il y a un dépouillement absolument raffiné des fréquences, mais du coup tout ça est très ouvert, avec des timbres qui sont pas du tout ceux qu'on entend habituellement dans la techno. Comme je le pressentais, hérité de façon consciente ou pas de la musique industrielle, voire de la noise, mais à des fins assez narratives, à des fins presque plus contextuelles que conceptuelles. Tout ça dans les mains de ce jeune gars, Ryu Tomita, dont le premier album reste une leçon du genre. Bienvenue dans ce cargo culte, à nul autre pareil peut-être, au fin fond de l'éther, et on se retrouve à la fin de cet album dans 40 minutes. Thank you. Thank you. Thank you. Alors, il n'est pas formidable, ce disque, que personne ne connaît, mais que certains connaissent un petit peu. Ryu Ryu Tomita Exhibition of the Samples. C'était ce Cargo Cult du jour, donc, avec cet album merveilleux, absolument merveilleux, signé en 1995, et sur le label KK Records. Alors KK Records, c'est un label belge, je vous le disais, et c'est un label qui va faire entièrement confiance à Ryu. Alors hélas, sans vraiment de succès, en tout cas probablement pas celui qu'aurait mérité l'artiste, c'est évident. Mais trois albums vont être faits quand même, coup sur coup, et puis un par an, quoi. En 1996, un an après celui-ci, ce sera Code of Confusion, ce qui mordra un petit peu vers le breakbeat, tout comme Pops, qui suit un an plus tard, donc qui vont s'ouvrir peut-être un petit peu davantage. Je reste convaincu que c'est finalement le premier album qui fait réellement date, tant il est marqué par cette rigueur, cet ascétisme, voire ce mutisme techno-électronique super fin et largement embellisé par ces très très fines réverbes qu'ont constellé tout le disque, vous en êtes rendu compte. Ce travail sur la stéréo absolument hors norme, et j'insiste là-dessus, parce que c'était plutôt rare dans le tout venant techno. Et voilà, qui a suffi donc à générer un culte, mais peut-être pas le culte qu'il fallait, en tout cas certainement pas à l'époque. Et je le disais, malgré les efforts qu'on avait peut-être tous conjointement menés dans la rédaction de Koda Magazine à l'époque, mais bon, alors certainement un petit peu trop tôt. Puis comme quoi, on ne devait probablement pas avoir des millions de lecteurs, contrairement à ce que je croyais à l'époque. Comment se fait-ce? Alors vous savez qu'il y a une réhabilitation dans l'ère de Ryu, j'en suis convaincu. J'ai pu vérifier, pas plus tard que tout à l'heure, une chronique absolument récente, très très récente, sur Discogs en fait, sur le disque, et elle a été signée en français par un fan, alors peut-être un fan de la dernière heure, j'ai envie de dire, qui est totalement dithyrambique dans sa chronique donc du disque sur Discogs, signé en avril de cette année, en avril 2022. Par ailleurs, et ça mérite d'être signalé, un des chroniqueurs de Drone, The Drone, le magazine en ligne absolument pointu, vous connaissez tous, sinon allez-y, c'est important, s'entiche aussi de chroniquer Ryu et d'en parler dans une future parution, et parution papier en plus, donc un bouquin. Voilà. Donc Ryu laisse trace, mais vraiment c'est comme le petit pousset, si vous voulez, qui laisse les petits cailloux et après on les retrouve ou on ne les retrouve pas. Mais j'en suis convaincu, et finalement les anecdotes, les événements là, que je raconte sur cette nouvelle génération qui s'empare du truc, me font penser à coup sûr que Ryu finalement restera dans l'histoire, alors comme un culte de deuxième et de troisième génération, mais c'est à lui tout seul, il enfonce tout ce qui s'est fait au Japon au même moment. Alors ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout jeter de ce qui s'est fait au Japon, il y avait vraiment une floraison de trucs, mais finalement plutôt dans la tendance et en accord avec un genre, quoi. Tandis que là, on voit bien qu'ils sont toutes les cartes sont brouillées, quoi. Elles sont brouillées pour être mieux rassemblées et mieux minimalisées dans cette techno. Donc finalement, je trouve que le parent le plus proche serait probablement les expériences de Panasonic qui se font au même moment et peut-être davantage même après, d'ailleurs, en Finlande. Là, c'est pas à répéter. Après ces trois albums, il y a une disparition quasi totale, si ce n'est totale, de Ryu. Alors tout juste, on remarque une apparition, c'est une participation en fait à un morceau co-signé avec Speedometer. Alors Speedometer, c'est déjà une nouvelle génération d'artistes plutôt portés ambiante qui va apparaître dans les années 2000. Et donc projet mené par Jun Takayama. Jun Takayama, exactement comme Ryu Tomita, est originaire d'Osaka. Voilà, et il y a un label local avec un rayonnement pas énorme, mais pas non plus juste anecdotique, qui va un petit peu mettre à jour une scène assez typique, enfin supposément typique, de Osaka. C'est le label Sound Channel. Et ça s'exprimera beaucoup plus après les années 2000 jusqu'en 2010. Et donc chez Sound Channel, il va y avoir un maxi quand même, intitulé Vert, de notre ami du jour, Ryu Tomita. Mais bon, pas de succès plus que ça. Mais voilà que j'ai pu apprendre, et parfois il faut remercier Facebook de mettre à disposition des trucs inattendus, parce qu'effectivement, grâce à quelqu'un qui a eu l'extrême gentillesse et intelligence de mettre en ligne, et finalement provisoirement, un album absolument inédit, jamais paru, et qui est donc, lui, certifié comme ayant pu être le dernier de Ryu Tomita, a pu récupérer comme ça un album entier. Et en guise de sortie, c'est ce que je vous propose, tiens. C'est un beau bonus. Et croyez-moi que cet album, il est formidable. Aussi, c'est une démo, donc il faut le prendre comme c'est. C'est-à-dire qu'il n'est pas masterisé. Mais alors, ça n'empêche que la démo est extrêmement propre. Hein, c'est un produit totalement finalisé. Voilà, et j'ai tenu à le laisser tel quel. Il n'était pas question de rajouter comme ça, chatouiller un petit peu la fréquence, comme ça peut quand même se faire assez facilement aujourd'hui. On est équipé pour ça. Mais, chez mère. Alors revenons comme ça à la source, revenons à ce projet entièrement avorté, d'un album qui n'a pas de nom d'ailleurs, en tout cas il ne m'a pas été communiqué. Par contre, l'album entier que je vais vous livrer là comporte quand même à peu près 9 morceaux précisément, et c'est avec ces morceaux là qu'on va s'évader. Je ne suis pas sûr qu'on aille d'ailleurs jusqu'au bout des 9, mais quitte à donner du bonus, parce qu'on a bien vu que les informations sur Ryu Tomita n'étaient pas énormes. Alors merci à vous tous, auditeurs de Pinode, de m'avoir aidé à la tâche et d'avoir wikipédié le mot Ryu à l'endroit, à l'envers. Et on est tous d'accord pour convenir que Ryu, c'est un mot déjà d'origine bretonne. Qu'il dites-vous ? Ryu, ça veut dire roi, un petit roi en breton. C'est pas un roi de la techno, notre ami Ryu Tomita aujourd'hui ? Voilà. Puis Ryu a été aussi un artiste peintre breton. Donc voilà, rapprocher les Bretons des Nippons, c'était peut-être une des expériences les plus extraordinaires qu'on ait menées ensemble, vous et moi, en fabriquant et en écoutant ce cargo culte. Pour le peu, vous avez bien mérité cet énorme bonus track de Ryu Tomita avec cet album entier, entièrement inédit, encore au stade de démo, qui commence par un morceau qui s'appelle Vert, tu l'as été édité, mais tous les autres qui vont suivre, One Man, Pete Post, O-Cat, Tapi, AMS, Illustration, Aztec ou Clean Blow, eux, sont entièrement restés enfermés dans un placard. Aujourd'hui, en guise de finale, on ouvre la boîte de Pandore. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine. Thank you. Thank you.

Thank you.